C'est fou ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux Larmée avec sa chronique en télécharge quoi? Et Émilie Gauthier nous pose la question, veux-tu sortir avec moi? À Assemblage requis, maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. On se mardi 7 décembre 2010. Lui, c'est François-Yves Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et puis, comment est-ce qu'il va, Mathieu Plante, ce matin? Ben, dites-vous au moins que ça va mal pour tout le monde, en général. C'est ça la leçon à retenir de ce matin qui commence. Au moins, ça va mal pour tout le monde. Oui, et puis, si vous avez à sortir ce matin, prenez-vous plus de bonheur qu'à l'habitude. Ouais, une bonne 10-15 minutes à l'avance, ça va faire le travail. Et sinon, plus, hein, gâtez-vous sur l'avance. Un matin. Ouais, il y a du pelletage à faire, donc c'est prenez les devants. Ouais. Ah non, mais sérieusement, j'arrive hier, ils ont commencé des constructions, des niaisages dans les tuyaux en avant de chez nous un matin. C'est bizarre, ça, par exemple, ouais. Qu'ils commencent à cette date. Puis ils viennent pas cogner à ta porte pour dire on va faire des affaires dans les tuyaux, vous aurez plus d'eau, vous pourrez plus vous stationner dans votre stationnement attitré. Non, faut stationner au garage en avant de chez nous. Faut appeler la ville pour être sûr de pas se faire remarquer. Ça commence bien la semaine, je trouve. Hier et aujourd'hui. Oh oui. Ouais. Belle fun. Oh oui. Ah ouais. Belle fun. Bon. Donc aujourd'hui à l'émission, on a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air veux-tu sortir avec moi? Qui nous parle de est-ce que. De petits endroits ben le fun où sortir. Je l'ai pas sorti, j'ai pas sorti. Il va y avoir plein de neige aussi. C'est ça. Allez, vous allez vous amuser, c'est certain avec ça. Un peu plus tard, vers les 8h30. Oui, vers la fin de l'émission. Merveilleux. Avant ça, on va recevoir Maxime Lemieux Larmée avec sa chronique en télécharge. Quoi? Il va nous parler en fait d'artistes. Là, c'est découverte musicale de la semaine, je Tout vous dirais. Tout à fait. Ouais. C'est à peu près ça. Question là aussi, Régis Solry avec « Quand la mort se fait originale ». Il reste plus beaucoup de capsules à la série, j'ai entendu dire. Donc, on va savourer ces dernières minutes avec lui. Oui. Mais est-ce que c'est la dernière ou... Je sais pas si c'est la dernière ou c'est dans les dernières. Il me semble, mais je m'avancerai pas trop. C'est qu'est-ce que ça donne quand je m'avance trop. Hein, François? Ça veut absolument rien dire, ça. Non. Non, c'est le fun de ma mère. Donc, on va avoir ça, plein de bonne musique. Il croyait que c'était un fait tout à l'heure, mais on commence avec Polyphonic Spree. Voici Running Away. Excellente pièce qui réveille très bien ce matin. Et sortez votre balai, sortez votre gros pelle. Je la trouvais pas hier. Parce que mes voisins en dessous ont décidé qu'ils pelletaient pas les marches de leur deuxième étage. Ils ont décidé ça comme ça. Mathieu Plante va le faire. Oh non. Non. Je vais juste lancer la neige sur l'autre étage. Donc, c'est comme ça marche. Dans le temps des fêtes. Comme dans le temps de Jordan. C'est ça. We'll be right back. Dead Man's Bones! Je connais pas les paroles par cœur, je chanterais sinon. Ouais. C'est bon, c'est vraiment bon pour vrai, comme groupe, j'adore ça. C'est dur à battre ça, tellement c'est bon, Dead Man's Bones! Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles! Mm-hmm. Et c'est fou la température dehors d'ailleurs. Ah, on aime ça, on l'a dit, sortez le balai puis la pelle aujourd'hui. Là. Ouais, sortez plus de bonheur, ça c'est inévitable. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Et ça va bien commencer votre journée. Ma copine me suggérait des sacs de plastique sur les pieds. J'ai évidemment pas suivi le conseil. Vous me connaissez un peu quand même. Et puis, non, c'est ça. C'est ouais, ça commence bien, ça aussi. C'est mouillé. C'est fun. C'est mouillé. Ça part bien une journée, les petits trempes. Écoute, c'est, okay. C'est fantastique. Et puis, j'imagine aussi que les conditions de stationnement ici, même à l'Équateur, ça va être abominable. Abominable. L'enfer. Comme ça le bonhomme des neiges, c'est ça. Ça va être pour vrai arrivé de bonheur, pour vrai essayer d'avoir un stationnement avec les bancs de neige qui vont se former aussi. Puis ils ont pas l'air d'avoir non plus tout à fait déneigé. Non, je pense pas qu'ils ont commencé. Ils ont fait les routes autour des stationnements, mais pas les stationnements en tant que tels. Donc surveillez ça. Ouais. Donc arrivé de bonheur. Et voilà. Pas garanti que les petites machines vont prendre votre carte de crédit non plus. Ah, c'est quand il y a un petit peu d'eau dessus, là, apparemment que c'est bien difficile là, lire une carte de crédit. Fait. Ah. Ouais. Que de bonheur. Que de bonheur ce matin. Que de bonheur aussi de bonheur. En français. Tout à fait. Donc, nous? Oui, nous. Nous, est-ce qu'on retourne en musique déjà? Je pense que oui, puis après ça, je pourrais vous parler de quelques petits trucs. Oh, ben Colin, moi, ça me tente vraiment beaucoup. Sérieusement, j'ai hâte d'entendre ça. Très, très hâte d'entendre ça. Ça va être intéressant. Pour l'instant, on va l'entendre un bon vieux classique de The Go Team. J'adore cette pièce. Voici Grip Like a Vice. Grip Like a Vice. Au 89.1 FM. C'est ça, là? Ouais, c'est à peu près ça. Grip Like a Vice, Grip Like a Vice, Grip Like a Vice. Il répète sans cesse. Pas le fun pour la gorge. Non. Non. J'en ferai pas ça. En fait, je vais sûrement leur faire. J'apprends pas de mes erreurs, je me dis. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous êtes à l'émission du matin en pièces détachées. FO, on a des actualités du campus. Tout à fait. En fait, je vais vous parler de ce qui s'en vient sur le campus de l'UQTR. Et puis, on commence ça immédiatement, en fait, hein, avec du 6 au 11 décembre. C'est, ils récoltent des jouets pour Noël, en fait, pour les enfants un peu plus défavorisés. Donc, ça se passe au kiosque à la sortie de la cafétéria, côté pavillon Ringuet. Et ça, en fait, là, c'est de 8h à 15h, donc du 6 au 11 décembre. Donc, si vous avez des jouets que vous ne servez plus, tu sais, des fois, un petit frère, un petit cousin, ce truc-là, vieilli, ça ne sert plus. Donc, on peut ramasser ça. Et c'est du lundi au vendredi cette semaine, donc, si je comprends bien les dates. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, c'est pour une bonne cause. Donc, rendez grâce à votre âme charitable. Charitable et généreuse. Saritable. Saritable. Sacré. Sacré quelque chose. Sacré François. Écoute, je te parle aussi du 7 décembre, c'est aujourd'hui. Oui. Ce mardi, il y a la visite de l'Agence du revenu du Canada sur le campus. Ah. Et oui, ça se déroule de 11h15 à 14h au kiosque K1. Ça, c'est du côté pavillon Albert et ici à la sortie de la cafétéria aussi. Donc, ça, en fait, c'est l'Agence du revenu du Canada qui vient présenter ses stages étudiants pour l'été 2011. Donc, ça peut être très intéressant pour les étudiants qui se cherchent des stages. Et puis, j'imagine que, en fait, là, c'est sûr que c'est pas marqué non plus, là, mais il y a des possibilités de rétention dans le sens où, une fois qu'on a le pied dans la boîte, c'est beaucoup plus facile de rester. Donc, regardez ça, c'est... en fait, c'est un travail quand même assez rémunéré, je pense, en frais de pour être fonctionnaire, là. Un peu plus qu'au niveau provincial. Donc, regardez ça. Ça se déroule, en fait, aujourd'hui, de 11h15 à 14h. Donc, j'imagine, je sais pas, ils disent pas d'amener votre CV, là, mais... Ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire, la traîner sur soi. Donc, voilà pour ça. Mercredi, je pense que on a déjà parlé à l'émission ici. Ouais. C'est la journée carrière en enseignement. Ça se déroule de 11h à 16h à l'Atrium Paul-Émile Bourdois. Et c'est gratuit, évidemment. Et ça, ça s'adresse... Comme on avait parlé avec M. Martel, en fait, vraiment aux enseignants, enseignants, mais aussi aux ceux, aux personnes qui étudient en administration, que ce soit pour le côté marketing, ou on parlait aussi des psychoéducation, ces trucs-là. En fait, tout ce qui se passe dans une école. Donc, il y a beaucoup de commissions scolaires qui sont représentées, comme vous le savez, en fait. Une commission scolaire représente beaucoup plus qu'une école. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, amenez votre CV, c'est gratuit. Là, il faut amener le CV. Ça, oh, oui, certains, on le sait. Oui, certainement. C'est gratuit aussi. Oui, c'est gratuit, tout à fait. Donc, pour les gens en enseignement, ça peut être vraiment intéressant. On parle aussi du jeudi de dialogue sur la fin de vie. Ça se déroule à midi au local 1051, pavillon Michel Sarrazin, et c'est gratuit. C'est dans le cadre d'un dîner gérontologique. Monsieur Jacques Vaillancourt, du comité d'éthique sur le vieillissement du Conseil des aînés. Madame Catherine Geoffroy, qui accorde les principaux enjeux entourant le droit de mourir dans la dignité, qui favorise d'ailleurs la réflexion sur le sujet. Toi, Mathieu, est-ce que t'es pour ou contre le pas l'euthanasie, là, mais... ben, si on veut. Je sais pas, en fait, qu'est-ce que j'en pense. J'ai pas encore été assez éduqué là-dessus. Mais toi, personnellement, mettons un exemple que t'es malade ou, tu sais, t'as vraiment une difficulté à... Ben, c'est sûr que moi, je suis nécessairement, par mes opinions de base, là, de mes croyances de base, je serais pour le droit à la personne de choisir, c'est sûr. Ça, c'est sûr, en partant. Tout à fait. Donc, si j'avais le désir de le faire, il me semble que c'est mon droit, mais bon. Tout à fait. C'est sûr qu'il faut encadrer ça, parce que dans le sens que sinon, tu dis... N'importe qui, il ferait n'importe quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Comme, faut encadrer ça, mais en même temps, faut pas restreindre le droit des gens. Tout à fait. Donc, voilà pour ça. Sinon, le 8, ça tombe le 8 de... C'est après-demain, jeudi? Jeudi, ouais. Attends un peu. On est le 7 aujourd'hui, c'est demain. Mercredi, demain. Mercredi, demain. On est le 7 là. C'est ça, c'est ça. Hey, crime, je te mets les neigeaux. C'est ça. Le 8 aussi, on a un atelier, je pense, qui pourrait être fort intéressant pour les étudiants. C'est Travaux universitaires 101. Ça coûte 3$ et c'est à 19h. Local à signer suite à l'inscription. Il faut s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs au www.ucr.ca/sae-psycho. SAE trait d'union psycho. Ouais, donc, ucr.ca/sae-psycho. C'est ça, exactement. L'atelier vise à outiller les étudiants à planifier et réaliser tous leurs travaux universitaires. Résumé de l'exposé oral à passer par le travail d'équipe au menu étapes de réalisation, évaluation de la qualité des sources, risque de plagiat, répartition du travail dans la session, utilisation des marqueurs de relation ou plus encore. Donc, wow. Ça fait vraiment le tour d'un travail. Là. Ouais, c'est très bien ça. C'est qui me disait que sur les règles du plagiat, là, j'ai entendu dire que si tu plagies toi-même ton propre travail en ne te citant pas, si tu prends du texte que tu as écrit dans un autre de tes travaux, ouais. c'est du plagiat aussi. Faut que tu te cites toi-même. C'est bien, hein? J'ai entendu ça hier. Ouais. Ça va être dans le prochain Zone Campus, il y a un article sur le sujet. Ouais. Faut que tu... Je ne sais même pas. C'est vrai. Donc, citez-vous. Citez-vous. Boswell. Bordeaux. Non, hello, wow, là. Donc, Bataclan. Bataclan. Sarkozy. Hey, je te parle des inscriptions qui vont se passer jeudi, le 9 décembre, ici à Trois-Rivières. C'est l'Ultimate Frisbee. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ouais, ben, je sais vaguement ce que c'est. Je me suis toujours vraiment demandé en tant que tel. Là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a de si ultime? Là, mais bon. je sais un peu ce que c'est, mais qu'est-ce que ça a de si ultime? Je suis un peu d'accord avec toi. Mais je ne dirais pas trop fort. Tu tranches aucune tête. À ce que je sache, il n'y a pas de membres qui se font trancher par le frisbee. Non, c'est pas si ultime. Non, c'est ça. Ça se passe à l'intérieur. Ouais. C'est ça. Les inscriptions vont se dérouler pour la session d'hiver 2010, mais c'est... 2010-2011, mettons. La saison commence en 2010, je pense. Hein. Ouais, puis surtout qu'elle précise saison d'hiver, donc ça doit être 2011. Surtout 2011. Ouais. Donc, ça commence jeudi le 9 2010. C'est une belle activité pour se tenir en forme. Oui, pour ça. À l'intérieur. Oui. Vous pouvez d'ailleurs visiter le www.ultimate3rivières.org. Donc, voilà. Je pense que pour le reste, on va revenir la semaine prochaine. Super. Ben, beau travail, François. Je te trancherai pas la tête avec mon frisbee. Avec ton frisbee. Pointe ton frisbee, là, puis coupe le steak. Mon Dieu. Ouais. Après ça, ça va être quoi? Le Ultimate Bee. Oui, oh, ben, ça s'en vient, Mathieu. Oh, un œil. Ouh, dans la bouche. Les dents cassées. Bon. Oh, boy. Et Boswell. On va-tu s'inscrire? Ouais, ben, on s'inscrit, puis on va être le fun. Ça pourrait être quand même le fun, par exemple. Je trouve que c'est... C'est ouais, ça peut être une bonne activité. C'est juste le mot ultimate que je trouve. Ouais. Mais bon. Je suis d'accord avec toi. C'est pas assez extrême, par exemple, ça aurait dû être extreme. Yo, tu mets extreme frisbee 3000. 3000. Fuck, le 2000, c'est pas cette date, ça, là. Pas un, pas deux, 14 000. Bon. Je t'appelle tout de suite. On double le package. Oh oui, j'ai avec un Easy Cracker. Est-ce que t'as essayé le Easy Cracker? Et Colin, si on parle de produits infopublicitaires annoncés à la télé... Easy Cracker? Ah, François-Olivier, il faut que tu connaisses l'Easy Cracker. Attends, c'est un... je vais chercher ça sur Google. Bon. Cherche EZ Cracker, C-R-A-C-K-R. Allez voir vous aussi sur YouTube, à la maison, où que vous soyez, dans votre auto. Petit portable, netbook, là, toujours pratique. Donc, Easy Cracker, c'est un truc comme un genre de mini casse-noisette. Okay? C'est comme un bâton que tu tiens dans tes mains, c'est en plastique, super bien c'est fait. C'est pour les œufs? Oui, c'est ça. Okay. Tu mets ton œuf dans deux petits cerceaux de plastique, et là, il y a une lame. Et sérieusement, c'est vraiment cool. Ça a l'air niaiseux de même, ça a l'air vraiment pas utile. Mais c'est que ça casse ton œuf sans aucune trace de coquille dans ton plat que tu es en train de préparer. Et en plus, il y a un petit séparateur à jaune et à blanc que tu branches dans le petit bâton. Et quand tu casses ton œuf, ça se fait vraiment tout seul, là, si tu mets du bon sens. L'œuf tombe dans le filtre et seulement le blanc tombe dans l'assiette ou dans le bol et puis le jaune est en place. Mais attends un peu, là, je le vois, c'est sûr que je vois pas de vidéo, mais je comprends pas dans le sens où tu dis, c'est sûr qu'il n'y aura pas de croquille. Non, parce que vraiment, les deux petits cerceaux qui prennent ton œuf, il y a une lame qui va venir trancher l'œuf et les deux coins de plastique vont soulever la coquille et ça tient la coquille dans le gadget. Et ça marche. Ça marche. T'es-tu le heureux propriétaire de Easy Cracker? Oui. Ah, pour vrai? Ah, c'est le fun. Attends un peu. Oh. T'as commandé? Ben, on a acheté ça en quelque part dans un commerce local. OK, parce que ça se trouve... Tu sais, des fois, là... Ben, souvent, c'est ça, ça va marquer, genre, seulement... non disponible en magasin. Ils vont dire ça dans l'info publicité. Ils vont dire seulement disponible dans cette publicité et pas disponible en magasin. Ce qui veut dire, c'est que l'ensemble qu'ils t'offrent à la télé n'est pas disponible en magasin. T'auras pas les petits gadgets qui viennent avec, puis les splits ça, puis les petits... Tu sais, les gogos qu'ils te donnent quand tu l'achètes. Oui, ils t'en donnent deux pour le prix d'un. Mais le produit, il l'est, par exemple. Ouais. Ouais. Mais c'est quoi, j'ai remarqué que dès que ça sort, tu sais, OK, là, ils partent en peur avec les infopubs, ces trucs-là, là, t'es pas capable de le trouver. Mais non. attends peut-être un mois, ben, un deux mois. Un bout de temps. Ouais, un petit bout de temps, puis après ça, en fait, tu le vois partout. Exact. Ah, mais, ah, ouais. C'est pas la fin. Ah, il y a plein de produits à la télé qui volent pas de la... 9,95 plus shipping. Puis, ouais, c'est ça. Ou encore 9,95 plus taxes à peine dans un magasin local quelconque. Ah, je vais checker. Des fois, un échange de cadeaux, ça peut être drôle. Ça pourrait être drôle. Parce que ça a l'air d'une belle blague. Easy Cracker, ouais. C'est pas une aussi bonne blague que ce que t'as vu, celui où c'est pour entraîner les bras des femmes. Puis ouais, ouais, ça, ouais, ouais, le ouais, shake weight... Ouais, ça c'est quoi? Le poids, en fait, passe d'une extrémité à l'autre et ouais. Ça te fait shaker le gros dans bras là, en dessous. Et puis avec ça... Ça gicle de partout. Moi, je comprends pas, là, mais avec ça, t'es supposé de te maintenir et puis de développer des muscles fermes. Et... Pas tant que ça, j'imagine. Non? Non, pas sûr. J'ai vu des tests de ça. Non, pas certain. Pas certain. Moi, on dirait que ça, j'ai vraiment pas confiance. Non. Ah, mais moi, je suis fan de l'infopublicité, puis juste de pouvoir en rire, c'est bien fun. C'est très, très drôle. T'as-tu vu l'infopublicité, là, je me rappelle plus exactement c'est quoi le produit, mais avec Mr. T. Non, je comprends pas. Et puis, la madame, il y a une madame qui fume, qui a l'air complètement d'une actrice bidon. C'est mortel, là, c'est mortel. Faudrait que je retrouve, je vais essayer de retrouver. Ouais, trouve-moi ça, je le mettrai sur le site, ça vaut la peine. OK, je vais... C'est quoi, donc? Cherche-le, on en reparlera. Ouais, okay. On en reparlera. Moi, je vous conseille le blog. C'est quoi? C'est Infomercial Hell sur Internet. Cherchez Infomercial Hell et puis il y a vraiment des choses vraiment drôles là-dessus. Des vidéos archivées de vieilles infopublicités des années 80. C'est à conseiller. Voilà, vous êtes à Assemblage Requis au 89 FM. C'est fou. On s'amuse avec des produits annoncés à la télé. Toi, c'est le fun. On avait dit que Vincent Vallière s'en venait en musique et tel que promis, chose promise, chose exaucée, tel un génie dans une lampe d'Aladin. D'Aladin. C'est ça. Ou de frisbee. Ouais, oh. Ah, attends. Hey, en m'envoyant le disque, t'aurais dû me le lancer, me trancher à la gorge. Ouais, écoute, du Vincent Vallière. J'aimerais quand même conserver le disque. C'est pas très tranchant, en effet. La 13e du CD, Le Monde de Tournefort, qui est février. Je pense que ça porte bien son nom ce matin. On se croirait vraiment au mois de février avec les tempêtes de neige. Et puis, comme dirait Maxime Le Minaramé, qui s'en vient plus tard. Bonne Saint-Valentin, tout le monde. Bonne Saint-Valentin. Oh, Saint-Valentin. Colle-toi. Wow. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gants. Février, sud des skis. Février, en traîneau. Février, en skidou. Ou la langue sur le poteau. Février, le hockey. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer. Huileux et grippé. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuc foulard. Encore, encore, encore. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Maudit moi malfaisant. Je t'aime de temps en temps. Débine, février contre Diderot, février Valentine, faut qu'on se garde au chaud, février dans le noir, février de bonheur, février désespoir, février dans mon cœur. Février coupe de rouge, février caribou, février tini rouge, février un peu saoul, février dans le bouchon. Ou dans le clos d'un canton, février dépression, février toucher le fond. Février puis du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, maudit mois malfaisant, je t'aime, mais

Murderous Mouse. Mon Dieu que c'est bon. Ben oui. J'adore. Tant que ça. T'aimes ça? Oui, j'adore ça. J'adore ça. Je sais pas jusqu'à blasphémer et utiliser le nom de Dieu en vain. Mon Dieu que j'aime ça. J'adore ça. Pour vrai, excellent album d'ailleurs. Procurez-vous-le. D'accord. C'est l'album Good News for People Who Love Bad News. Oui, oui, voilà. Oui. Et la pièce, c'était The World at Large. The World at Large. Exactement. Ouais. Hey, François-Olivier. Mathieu Plon. Bonne nouvelle pour les gens qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles. Quoi? Ça veut rien dire. C'est un fait. OK. T'avais presque l'air excité, toi, là. Yay! Yay! Youpidou! François-Olivier! Mathieu Plon! Ouais, pareil comme dans la pub, hein, finalement. Ouais, pareil. C'est vraiment pareil. C'est le même ton de voix. Même ton minable. Commençons par SpongeBob SquarePants, qui travaille chez Krusty Krab depuis plus de 31 ans. Savais-tu ça? Dans le dessin animé? Ouais. Non. C'est vrai. Dans le film de SpongeBob SquarePants Movie, le héros a 374 mois en tant qu'employé du mois. 374 fois. Donc, ça a peut-être l'air long, mais dans le fond, pour SpongeBob, c'est pas très très long parce que les éponges peuvent vivre jusqu'à 500 ans. Oh, ouais. Bon non plus. Donc, quand même 31 ans au même endroit pour SpongeBob, Bob l'éponge. La publicité de Coca-Cola a été bannie dans les années 80 à cause d'un acte sexuel montré dans des glaçons. Si tu vas voir le lien sur assemblagerequis.com, tu vas le voir très bientôt, en fait. Je pense que je ne les ai pas encore mis, malheureusement, mais ça sent bien. Bref, le poster faisait partie de la campagne Feel the Curves de Coca-Cola. Ça valait 200 000 $ cette campagne-là pour promouvoir la réintroduction. Ils ont ramené la bouteille originale, la bouteille à contour spécial. Ils avaient ramené ça à ce moment-là. Bref, l'artiste qui a dessiné le poster a mis en blague un acte de sexe oral dans les glaçons de la publicité. Il voulait faire une blague, mais évidemment, ça n'a pas été une blague pour Coke, hein, parce qu'ils l'ont sacré dehors et puis ils l'ont même poursuivi. Et puis Coca-Cola n'a pas eu le choix, ils ont dû se débarrasser de tous les posters avec ça dessus. Eh boy. Pas le fun, hein? Non. Je suis en train de te mettre le lien sur assemblagerequis.com, ça va être fait dans les prochaines secondes. Et voilà! Voilà! C'est fait. Allons-y avec... savais-tu que les scientifiques en savent plus sur la surface de la Lune que sur le plancher de l'océan? C'est dans le fond, fond des océans. Ils en savent plus sur la Lune. Eh ben. Sais-tu que les cycles menstruels des femmes qui vivent ensemble finissent par se synchroniser? C'est basé sur une étude de 135 femmes dans un collège. Les femmes qui vivaient dans la même pièce, mais qui avaient différents cycles menstruels, ont commencé à synchroniser leurs cycles avec le temps. C'est leur phéromone qui fait que ça change à un moment donné. Les scientifiques ont testé la théorie en plaçant des échantillons de sueur de femmes sous les nez des autres femmes. C'est quand même quelque chose. Avec le temps, les règles des sujets ont commencé à se conformer aux femmes qui ont donné leur sueur pour l'expérience. Voilà. Une autre chose qui peut affecter les règles des femmes, c'est être autour d'hommes. Juste être autour d'hommes, ça a tendance à réduire la durée de chaque règle et augmenter leur fréquence, les rendre plus régulières. Voilà. Savais-tu qu'un chien a sauté du ciel d'une hauteur de 15 000 pieds? Brutus, le Dachshund, comment t'appelles ça? Dachshund, Dachshund? Le chien, là? Tu connais ça, là? Comment tu prononces ça? Je ne sais pas. En tout cas, bref. Je ne connais pas. Le chien Dachshund, mettons. Et le seul chien qui est certifié en tant que skydiver, donc c'est quoi? C'est parachutiste, si on veut. Accompagné par son être humain préféré, Ron Searle, disons. Le chien, donc, est descendu du ciel à des vitesses de 128 000 à l'heure et de hauteur allant jusqu'à 15 000 pieds. En 2002, Brutus avait totalisé plus de 100 sauts déjà. Donc, on peut s'entendre que ça a pas mal monté depuis ce temps-là. On dit qu'il est encore vivant, voilà. Son propriétaire a dit que 100 sauts, c'était équivalent à 700 sauts pour un chien. Comme si c'était pareil comme les années. C'est pas grave. Quelle excellente blague. Sais-tu que le premier micro-ondes faisait presque la grosseur d'un réfrigérateur? Ah, il était très gros, en fait, dans le temps, là, comparativement à ceux qu'on peut retrouver aujourd'hui. Là. Beaucoup trop gros pour faire pas mal de grand-chose avec. Ouais. Bref, le micro-ondes original a commencé, a été inventé en 1946. C'était le Speedy Winnie Project, son nom. Un effort secret par Dr. Percy Spencer et Raleigh Hansen, une paire d'ingénieurs à la Raytheon Company. L'année suivante, ils ont finalisé le produit. Le produit a été lancé sur le marché, mais il faisait au-dessus de 5 pieds et demi de haut et pesait plus de 150 livres. Ça coûtait environ 5 000 $ et ce luxe n'était non seulement pas peu cher, hein? Hein, comme dirait les... Peu cher. Mais aussi, il fallait payer la plomberie pour le faire installer. Et aussi faire refroidir le tube de magnétron après chaque utilisation. C'est du trop. Ouais, ouais. Tout ça pour un craft dinner. Je sais pas si... Dans sa boîte. Je sais pas si les TV dinner... Ah oui, les TV dinner, c'est dans le four avant qu'il fallait faire. Non, on peut encore les faire dans le four, mais bon. C'est pas comme si on avait besoin d'un micro-ondes pour faire du TV dinner. C'est juste que c'est beaucoup plus rapide. Oui, oui, hein? Tout à fait. Et quand même que c'est long dans le four. Et quand même. C'est beau. Ouais. C'est très long. C'est quoi, une demi-heure? Ah, un foin, quelque chose du genre. Mais ça dépend de quel, le TV dinner, évidemment. Bon, de la marque. Sais-tu que George Washington a une paire de livres de bibliothèque qui sont dus depuis 221 ans? 221 ans. Donc, George a été emprunté quelques livres à la New York Society Library le 5 octobre 1789. C'est environ 5 mois après le début de sa présidence, alors que New York était encore la capitale de la nation des États-Unis, évidemment. Le petit papier montrait aucune date de retour, donc il n'a pas ramené les livres et ils ont été empruntés par quelqu'un qui a simplement signé son nom. Le nom était President. President. Président. Voilà. On se casse pas la tête. Du tout. Savais-tu que, ben, en fait... Ça, c'est pas un fait. Je pense que tu le sais, cela. Tous les livres de toutes les bibliothèques ont des dates où ils doivent être ramenés, dans le fond. Et George aurait dû les ramener le 2 novembre de cette même année-là, 1789. Donc, vu que les livres n'ont pas été renvoyés à la date prévue, ou même du tout, en général, ils n'ont pas été renvoyés jamais. Si on tient compte de l'inflation, le premier président des États-Unis a accumulé un frais de retard de 300 000 $. Mais heureusement pour tous les descendants de Washington qui existent sur Terre en ce moment, la bibliothèque ne cherche pas ces frais-là, donc pas de façon active. Ils vont pas aller te chercher. Mais ils apprécieraient si les livres étaient renvoyés. Ce serait gentil. C'est dit au moins. Ouais, c'est ça, quand même. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Savais-tu qu'un homme aveugle a réussi à ravoir sa vision? En fait, à gagner une vision parce qu'il n'y avait jamais eu de vision. Il y en a eu une vision avant. Okay. Bref, en faisant implanter une dent dans son œil. Une dent? Une dent. Ouais, c'est Martin Jones de Rotherham en Angleterre qui n'avait jamais vu sa propre femme parce que 8 ans avant son mariage, de l'aluminium chaud lui a explosé dans la face alors qu'il travaillait dans une cour à scrap. Ouais. Scrapyard. Bref, résultat, Martin a souffert de brûlures à 37% de son corps et a perdu son œil gauche et la vision dans son œil droit. Incroyable. Plus de 12 ans plus tard, une procédure révolutionnaire a permis à Martin d'avoir la chance, dans le fond, de regagner sa vision. La technique, c'est ça, mais c'est qu'il fallait prendre une dent pour l'utiliser comme genre d'objectif artificiel. Parce qu'on avait besoin de tissu vivant, parce que le plastique aurait été rejeté par le corps. Nous dit-on. Donc, de la peau de la joue de Martin a été, pas agrafé. Comme paupière, non? Ouais, c'est ça, sur son œil qui était aveugle. Je sais pas si c'était pour cacher, je sais pas trop pourquoi, pour sceller peut-être l'œil, j'ai aucune idée. Bref, c'est de la peau de sa joue, voilà, qui a été mise sur son œil gauche. Et puis après 2 mois de... ça a poussé pendant 2 mois, bref, la dent... partiel a été placé à la base de l'œil. Un trou a été fait dans la dent pour permettre à la lumière de passer. Trou dans la dent? Exactement. Et après 8 heures de chirurgie, la procédure a été déclarée un succès. Martin a dit de sa femme... Et je cite de lire correctement. Je cite, les docteurs ont enlevé les bandages et c'était comme regarder dans l'eau. Et ensuite, j'ai vu une figure, une personne, et c'était ma femme. Elle est merveilleuse, elle est adorable. C'est incroyable de la voir pour la première fois. Bon. Bref, la technique a l'air compliquée. Là, ah, mais bon. Tout à fait. Je me sens pas apte à réaliser cette technique ce matin. Je me sens pas apte à traduire l'article non plus. Ouais, c'est ça. Une dent avec un trou dedans. Ouais, c'est bizarre. C'est clair. C'est bizarre. Pour en venir à cette conclusion-là, vraiment. Ah! Je suis pas rendu là. Ben non. Un jour peut-être, François. Peut-être. Ou peut-être pas. Non, vraiment pas. Ça presse pas. Presse pas du tout. Bon, on n'est pas là pour ça. Voilà pour cet effet, François. Et merci, Mathieu. Douloureux. Quand même. Douloureux dans l'œil. Non. Dent dans l'œil. C'est vraiment bizarre. C'est ça finit bizarre. Ah, on aura d'autres faits dans la prochaine édition d'Assemblage requis demain, mais pour l'instant, on va terminer la première heure de l'émission et il y en a une deuxième qui s'en vient tantôt. Là, c'est l'heure des chroniqueurs dans la deuxième heure. Tout à fait, Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique On télécharge quoi, on reçoit aussi

et finit par mourir d'insomnie et ou d'épuisement et ou de malnutrition. On lui inventera l'épitaphe suivante « Je suis Philétas de Kos, c'est le menteur qui m'a fait mourir et les mauvaises nuits qu'il m'a causées. » Richard Feynman avait bien eu raison dans ce West End Café de Broadway. Ne pas se rendre malade à trop réfléchir en vain. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Merci beaucoup, Régis Solry. On retrouve... on retrouve mardi prochain ici à Assemblage Requis, évidemment, à toutes les semaines. Il y a aussi, dans les mardis, Régis Solry, les mardrigisseries... vers les 8 ans. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites, les gars? Parce que ça me déconcentre à peine. C'est des secrets. Okay. Richelry, c'est les mardis. Assez fou. Tous les mardis, donc matin, à Assemblage Requis, les midis, matin. Au dîner de cons. Et entre l'émission de 19h. Et réanimation. Et réanimation. Ça dépend des semaines. Donc, c'est vers les 21h. Voilà. Vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est nous, nous sommes les joyeux lurons. Hey Mathieu, regarde dans le ciel. Qu'est-ce qui descend? Ah, est-ce que c'est la rousse de Harry Potter sur un balai? Non, c'est Maxime Lemularamé. Je connais pas mes classiques. Hein. Ben, étrangement, non, tu sais. Je dis à Maxime tantôt, savais-tu qu'Hermione dans le film, la fille qui joue Hermione dans Harry Potter, elle se fait couper les cheveux, c'est super laid, tu sais. Là, il dit, ah, la rousse! Je fais comme, ben, il me semble qu'elle est plus brunette. Là, il dit, ah non, c'est l'autre! La rousse, non, c'est un gars, l'autre. C'est un gars. Ouais, j'étais pas... It's a boy! J'étais pas attentif. J'étais pas... Mais je connais les trois personnages principaux. Là. Je sais de qui on parle. J'ai pas leur nom, là, mais je vois leur face dans ma tête. C'est deux filles et un gars, c'est ça? Deux, ouais. Deux gars, une fille. Ah, voilà. Bon. Donc, bon. Maxime Lemularamé qui est avec nous, hein, François? Ouais. Hein? Ben là... T'as vu, il est juste là. Il est là. Salut. Là, tout le monde doit se demander, ça finit quand, cette chronique-là? À date, c'est pas commencé, donc... Non, mais je veux dire... Au cours des semaines, là, quand est-ce que ça se termine? Ben, la semaine prochaine... C'est ma dernière? Ça... Non, la semaine prochaine, ça va être ta dernière. La semaine prochaine, c'est la dernière. Fait que... À vie! C'est quoi... C'est pour de médier. C'est quoi le vrai terme? Tu devrais chercher ça pendant que j'en parle. Le vrai terme de avant-dernier, c'est sépulti. Sépultième. Sépultura. Attends un peu. Pénultième. Pénultième. Pénultième. Voilà. Et que tu connais ta langue française. Entre autres. Bon, commençons... Muy caliente. Si, c'est bien. En français, ça. Non, ben, c'était pour te montrer mon mexicain. Mon polyglottisme. C'est ça, c'est du Old El Paso. Old El Paso. C'est bon. Alors, aujourd'hui, discutons musique. Let's talk about music. Let's talk about music. Alors, let's talk about love. Vous savez, comme souvent le font les groupes, entre deux albums, j'ai trouvé une pièce du groupe. Pains of Being Pure at Heart. The Pains of Being Pure at Heart. On dirait un slogan de Bessel. Les mots d'être... La margarine, ouais, ça va. C'est bon. C'est quoi, The Pains of Being... Les mots d'être pur... De cœur. De cœur. D'avoir le cœur pur. D'avoir le cœur pur. Alors, groupe new-yorkais. Et puis alors, c'est ça, comme je le disais, j'ai trouvé un petit extrait entre deux albums. Parce que oui, en effet, The Pains of Being Pure at Heart vont sortir un album au cours de l'année 2011. J'ai pas trop de détails. Entre janvier et décembre. OK. 2011. Une chance sur 12 de tomber sur le bon mot. Ouais, c'est ça. Et on va aller écouter tout de suite la pièce. Puis j'ai peur de me tromper, fait que je te dis... Je me trompe tout le temps dans l'ordre. Hein. Tantôt, j'ai dit « Heartbreak your heart », mais c'était pas ça. Hein. T'avais « Icky Breaky Heart » aussi. « Quit playing games with my heart ».« Unbreak my heart ».« Unbreak my heart ». Non, mais c'est pas ça. C'est « Heart in your heartbreak hein. ». C'est ça, exactement. Exactement. Alors, on va écouter ça. « The Pains of Being Pure at Heart ». Assemblage requis. Sur C'est fou, 89.5. We'll be right back. Heart in Your Heartbreak, The Pains of Being Pure at Heart. Vraiment, là, j'ai adoré celle-là, ouais. Vraiment. Alors, je vous tiens au courant là, pour le prochain album. Je pense que ça va s'appeler Belongs. Belongs. Alors, deuxième artiste dont je veux discuter ce matin, Wolf Parade. Alors, groupe montréalais qui a sorti un album l'année passée, exactement le 29 juin. Cet été, j'en ai pas parlé hein, de Wolf Parade, leur dernier album. Pourtant, j'allais écouter vraiment pas mal cet été. Puis pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que on a appris à travers les médias que Wolf Parade prenait une pause, mais à long terme. Pas une pause finale, là, et ils se séparent pas, mais... Ils sont ouverts à faire d'autres choses ensemble, mais pour l'instant, c'est comme pas mal terminé. Ouais, ben c'est ça que je comprends. Il y a un terme en anglais que je me souviens plus trop, là, qu'utilisait... Hiatus. Hiatus, hey. C'est ça. Un hiatus, ben, c'est juste une pause de durée non déterminée. Non déterminée, bon, c'est ça. Puis, on dit souvent que c'est un super group, Wolf Parade, parce que, bon, il y a plusieurs projets parallèles, dont Handsome Furs avec le chanteur et guitariste, et Spencer Krug, qui joue aussi dans... je cherchais tantôt le titre. Ça m'échappe pour l'instant, mais c'est Sunset Rubdown. OK. Alors, je pense qu'ils vont plus aller dans ces projets-là, puis... prendre peut-être une petite pause de Wolf Parade. Alors, pour leur rendre hommage, puis parce qu'on n'a pas discuté de leur dernier album, Expo 86. Expo 86, c'est un peu Expo 67, mais c'est passé à Vancouver, puis je pense que c'est un peu plus petit, ça a été un peu plus petit qu'Expo 67 aussi. Alors, Expo 86, qui est sorti sur Sub Pop, on va aller écouter ma pièce préférée de l'album, ça s'appelle Ghost Pressure. Alors, on écoute Wolf Parade tout de suite, Assemblage requis. C'était Wolf Parade avec la pièce Ghost Pressure de leur album Expo 86. Alors, comme je le disais, préalablement à la pièce, Wolf Parade prend une petite pause. Bien méritée. Bon, en fait, je connais pas leur, leur agenda, là, mais je leur permets de prendre une petite pause. Peut-être une petite chicane aussi. Ah, peut-être, hein? Ça se peut. Peut-être aussi qu'il y a une des blondes là, des gars qui est enceinte. Peut-être qu'il y a une des mères des gars qui est malade. On sait pas. Ah, Mathieu. Tu peux avoir plein d'affaires. J'ai demandé l'impossible à Mathieu. Je pense que je l'ai. Est-ce qu'elle dure 1 minute 45, genre? Ouais, disons qu'une minute 45, ça a du bon sens. D'accord, ça. Je l'ai alors. Ouais, alors, bon, dernière pièce que je voulais faire jouer, c'est une pièce qui se retrouve sur la bande originale. Bande originale, bande sonore du film Tron. Oui, le futur, pas remake, là, mais... Ouais. Ben, suite ça, de... ça me dit rien, moi. Ouais, c'est le film avec Jeff Bridges, là, ouais. En genre de néon fluo. Ouais. Ordinateur très geek, film de très très geek, là, t'sais. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que je m'y intéresse plus ou moins. Bah ouais, bon, c'est bien, toi, hein, les geeks, c'est ben trop pour toi, de douchebag total. Douchebag. Justement, j'ai un rendez-vous chez au tanning tantôt. Ah ouais. T'es pas supposé prendre rendez-vous, je pensais juste du spray qu'il faut que tu te mettes. Ah. Ben, faut que tu prennes rendez-vous pour quitter le show. Ah oui, c'est comme une ça. Douche, ça. Hein, tu peux je pense qu'il y a moins. Je pense que t'as raison. Quelqu'un qui te passe. Hey, est-ce que vous allez le faire, moi? Mon l'émission, là, Un gars, un geek. Ben, c'est qu'on n'est pas très, très scripteurs de nature, nous autres, sérieusement. Les scripts, t'as vu ce qu'on écrit comme pub, hein? C'est pas malade. Ben, je sais pas de quelle pub vous parlez, mais. La pub, elle joue tout le temps. Je sais pas, c'est fou, là. Mais est-ce qu'elle passe encore la pub, là, que. C'était Bruce? Avec un traducteur en anglais, là. C'était deux, ça? Non, c'était pour les pubs, là, ouais. C'était avec Danny? Okay. C'était Yuzu Sushi, je pense. Non, le pub, là. Ah, pour acheter de la pub, ouais, c'est fou. Oui, c'est fou. Ouais. Ouais. Elle passe encore. Non, mais pas là. C'est ma préférée. Ah ouais? Ouais, de toutes. Alors, on va l'écouter. C'est ça, en fait, c'est Daft Punk qui fait Daft Punk, groupe français électro... électro. C'est bon, Daft Punk. Ouais, c'est excellent, Daft Punk. Puis ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu justement de nouveaux trucs. Et puis on va aller écouter la pièce, je sais pas comment le prononcer, je vais dire The Rest. Ça a de l'allure, oui. The Rest de Daft Punk. La bande originale. Ça, c'est flambant nouveau, là. Ben, je sais pas si c'est flambant nouveau, là, mais ça dépend. La c'est nouveau, sonore, là, disons, dernière année. Là. C'est ça, c'est récent, mettons, tu sais. Les deux derniers mois. C'est The Recent. The Recent. Alors, c'était Daft Punk. Ça faisait du bien écouter un peu Daft Punk. Oui. Ça l'a réveillé les gens qui s'enlignaient vers le travail et puis qui se disaient « Ah, ça va être une journée relax, mm-hmm. je vais prendre ça cool ce matin. » Non. Non, ça se fait pas. Ça va être intense. Ça va être intense ce matin. Ah ouais, va pelleter. Mais au moins, Tron les a mis en forme. Ouais. Daft Punk pour pelleter, tu sais, puis ouais. Balayer. Hein? Ouais. Bon, ben, c'est ce qui complétait. Ben, c'était Daft Punk, la pièce de Rezd, mm-hmm. de l'album, la bande originale, la bande sonore du film Tron. Tron. Tron. Legacy. Legacy. Finish him. Ouais. Référence quelconque ici. Ouais. Bon, ben, fait que la semaine prochaine, dernière. Oui, c'est vrai, la semaine prochaine, ta dernière chronique de la ouais. session. Tu reviens après ça? Mm-hmm. On verra bien. Hein, c'est okay. ça. Fait que prends ton gros camion avec ton gros volant, puis retourne voir Hermione, je pense. Que c'est ouais, c'est ça. Ron. La russe, la petite russe. Ouais, c'est un gars, encore une fois. Là, pour que tu sois sûr. Ouais. Le petit garou. Ouais. Le petit garou. Pourquoi tu le précises? C'est pas fin. OK. Bye. Bye. Salut Mathieu. Hein? Je vais m'en dire salut Mathieu. Mathieu? Ouais. Bah, salut Maxime. Moi, c'est Maxime. Wow. Ça va bien. Ça va très bien, hein? Ah, sur ce non-sens complet, c'est une autre demi-heure de l'émission qui se termine. Il nous en reste une dernière. On va avoir Émilie Gauthier. Oui, tout à fait, qui va nous parler d'ailleurs des sentiers à visiter. Oui, plein d'endroits avec des noms très compliqués à retenir. Restez avec nous. C'est fou ça, 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque Nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. You know mine too. You don't tell on. écoutait ça dans le temps, dans le bon vieux temps au cégep. Non, mon temps. Dans ce temps-là, on allait à l'école en raquette. Oui. C'était en 2007, je peux te dire ça. Okay. C'est quand même juste le 3 ans. OK, laisse faire. Ouais. François-Olivier. Mathieu Plante. Assemblage requis. Tout à fait. C'est fou. 89 FM. Radio Campus. Collègue plein air. Oui. Émilie Gauthier. Ben, okay. Veux-tu sortir avec moi, pas toi? Oh, m'en ai répondu. Ouais. On accueille Émilie Gauthier pour sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Bonjour. Allô. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Comme l'écho de la neige dehors. Ah ouais, bon, c'est bien dit. Ouais, on aurait dit que Mathieu Plante était en bas de ta fenêtre de chambre. La la la, la la. Donc, Émilie, tu nous parles pour la dernière fois d'un paquet de places. C'est comme ton melting pot de places. C'est fini après aujourd'hui, ça. C'est pas mal fini. La semaine prochaine, je vais vous dire comment choisir des raquettes. Oh oui, mais donc, pour l'instant, commençons avec notre melting pot et le sentier Jacques Butte. Oui, c'est un sentier qui fait partie du sentier national. J'en avais déjà parlé. C'est un grand sentier qui traverse le Canada et qui, par petites sections... Donc, cette partie-là du sentier national va border la rivière Saint-Maurice, située dans une forêt très variée. Le sentier va passer près de falaises, lacs, ruisseaux, chutes. À ce temps-ci de l'année, c'est très beau, en plus, des petites chutes comme semi-gelées, là. Moi, je trouve ça beau. On atteint le sommet qui offre un point de vue sur la rivière Saint-Maurice et sur la région. On peut observer plusieurs animaux comme orignal, castor, lèvre. Lièvre. Ça goûte de la cannelle aussi. Ah, j'ai pas demandé. Ouais, ça goûte de la cannelle. Tamia, ours noir, grand pic, chouette rayée, etc. La liste continue, mais je me suis dit, je ne mettrai pas d'autres. Le sentier va mener aussi au lac Clair. On peut y camper ou dormir dans un refuge, donc toujours moyen de s'informer à ce sujet-là. C'est 12,9 km de sentier ouvert toute l'année, toute la journée. Et on doit débourser 5 $ pour le stationnement. J'imagine qu'il y a un petit frais pour pouvoir y dormir la nuit. C'est situé à environ 45 minutes de l'université. On peut se rendre au www.grandepile.qc.ca pour avoir plus d'informations. Parfait. Le prochain, c'est l'auberge Le Baluchon. Oui, ben, l'auberge de Belchon est surtout connue pour gastronomie, spa, détente, mais c'est aussi plein air et culture. Plein air, ils ont quand même un grand territoire vallonné qui va donner plusieurs points de vue, une rivière qui va s'écouler en chute et cascade. Les sentiers sont aménagés près de la petite rivière. On peut observer un barrage de castors, plusieurs bâtiments culturels comme une chapelle, un moulin à vent, une écurie et une brasserie. On a donc 29,4 km en 9 sentiers. Tabarouette quand même. Ça vaut quand même. Pour un auberge, là, ça vaut la peine. Mettons qu'on décide de passer la nuit là, ça vaut la peine de profiter des choses autour. C'est ouvert toute l'année. Les sentiers sont ouverts de 9h à 17h. On doit débourser 6,95 par personne pour accéder au site. C'est environ 40 minutes de Trois-Rivières. Puis on peut se rendre au www.baluchon.com pour plus d'informations. Super! Auberge du lac Castor. C'est une forêt centenaire qui est située autour du lac Castor, qui passe dans un peuplement autant d'arbres vraiment matures et centenaires que d'une forêt en régénération. Donc, c'est un beau phénomène. Le territoire est parsemé de lacs, d'étangs, de petits monts, de chutes, cascades et de belvédères. Est-ce que ça a une vue imprenable? Parce que moi, il me faut une vue imprenable. Je dois pas pouvoir la prendre. Ah! Cannot take it anymore. We're not gonna take it anymore. Ah non, ouais. Ouais, c'est vrai. Je te crois pas. Je te jure. T'as dit. Je te crée pas. T'as dit. Je te crée pas. T'as dit. Je te crée pas. T'as dit. Je te crée pas. T'as dit plus. Ah, c'est pas de même, c'est fini. Auberge du lac Castor, il y a aussi une forme diversifiée comme des Bambi. Comme je disais. Ça me fait toujours. T'arrêteras jamais. J'aime ça, dire ça. Un Bambino. Moi, c'est la petite pizza Bambino que j'aime. Je sais pas si c'est fait avec des bambis, mais en tout cas, ça devrait. Je sais pas. On continue. C'est une bonne question. Excuse-moi, Amy. Il y a des loups, des orignaux, des lièvres, des lynx, plusieurs types d'oiseaux. Puis en tout cas, moi, personnellement, juste pour le nom des sentiers, ça me donnait le goût d'y aller. Là, Il y a le tango de la forêt boréale, le rap des castors de travers, la toune de la chouette à répondre. En tout cas, c'était tous des titres comme ça sur les huit sentiers qu'il y avait. Donc, moi, je trouvais que ça avait l'air très, très drôle. Oui, tout à fait. Ça me disait, tentait de me vanter. Hey, je suis allé faire le tango de la forêt boréale hier. Je trouvais que c'était drôle. C'est ouvert toute l'année, toute la journée. On doit débourser 5$ par adulte pour accéder au site. C'est environ 40 minutes de Trois-Rivières. C'était pas bien, bien loin de l'auberge du Valchon. Puis on peut se rendre au www.laccastor.com pour plus d'informations. Il nous reste 3 places dans cette chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Chronique plein air d'Émilie Gauthier. Rappelons-le. Rap, t'as compris? Rappelons-le. Comme le rap, rap des castors. C'est comme un rap au poulet. Un rap au poulet. Mathieu qui a tout le temps faim, c'est pas du temps passé. Hein? C'est ça. Et oui. Toujours. Pourvoirie Ayapewa. Allons-y comme ça maintenant. Ayapewa. Ouais. C'est ce qui veut dire orignal mâle en langue algonquine. Dis-moi quelque chose que je sais pas. Mais te l'apprends. dans le fond, c'est vraiment une pourvoirie. Là. C'est un grand territoire de plein air. Les sentiers sillonnent un territoire au relief montagneux qui a vraiment une forêt mixte sur le territoire. Du haut des falaises, on a une vue panoramique sur le lac Sakakomi, sur la réserve Mastigouche que tu aimes si bien dire, Mathieu. Mastigouche! Et sur les basses Laurentides, ça donne quand même une très belle vue. On passe autour d'un lac par une tourbière où est-ce qu'on peut voir des castors et différents types d'oiseaux. Il y a un avertissement qui est inscrit, c'est faire attention au porc-épic. Ah! J'aimerais bien avoir plus d'informations là-dessus. Comme dans Mario Bros 2. Ouais. Faire attention au porc-épic. Ouais. Ouais. Si quelqu'un y va et qu'il voit des porc-épics, prenez une photo et envoyez-moi c'est là. C'est gros, un porc-épic. C'est très gros. Ouais, pour vrai, c'est... Ouais, la... Mais je me suis jamais fait attaquer par un porc-épic. Non, moi non plus, mais j'en ai déjà vu et j'ai pogné de quoi tellement que c'était gros, en fait. Tu sais, on a l'impression qu'un porc-épic, comme c'est tout petit, ça, c'est un hérisson. C'est pas la même chose. Ouais, tout à fait. Ah, tout à fait. On a tendance à mettre. Hérisson qu'on peut avoir un petit animal domestique qui rentre dans nos mains. Non. Ben oui. Non. Mais là, arrêtez-moi ça avec les hamsters, là. S'il vous plaît. Hein? Madame Gauthier, là. Ben c'est vrai, je jure que j'ai des amis qui ont des hérissons comme animaux domestiques. Mais pas un porc-épic. Ça, c'est un petit peu trop gros, je pense. On n'hérit plus. Fait que la pourvoirie, dans le fond, 5,3 km divisés en 3 sentiers débutants, 13 sentiers débutants et intermédiaires. Donc, ça donne quand même un très grand choix. Quand même, ouais. Quand même, hein? C'est acceptable. Est-ce qu'on a dit, c'est-tu correct? Ça va? C'est acceptable? Ça va? Ouais, tu peux y aller. C'est correct? Tu peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Okay. Cool. La saison d'automne? Ouais, automnale, il y en a qui disent automnale, mais je pense qu'officiellement, il faut dire automnale parce que le M n'est pas prononcé dans automne. La saison de l'automne est finie. C'est ça? Ça finissait à la mi-novembre, mais la saison hivernale recommence le 21 décembre prochain. Donc, ça vaut quand même la peine de le noter si on est adepte de raquettes pour aller marcher dans le bois. C'est ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil. On doit débourser 2$ par personne pour accéder au site. C'est tout simplement pour dire qu'on paye les frais de déneigement du parking. Mm-hmm. C'est situé à environ 50-60 minutes de l'université. Et on peut se rendre au www.ayapewa.ca pour plus de renseignements. Ça va être disponible sur Assemblage Rick. Ayapewa. Ah oui. Allez-y à la pourvoirie Ayapewa. Allez-y. Pourvoirie. Non? Oh, c'était pourvoirie hilarant, comment? Oui. Pourvoirie hilarant. Tu l'attendais pas, celle-là? Non. Ouais, il nous reste. Enfin, on va faire un. Comment? C'était très cocasse. C'était cocasse. On va faire une petite tournée, si on veut, des deux principales stations de ski de la région. J'ai vraiment pris les deux plus près, parce que sinon, ça commençait à s'étendre. Ah, laisse-moi deviner. Mont-Carmel. Hey, je l'ai même pas mis. Hey! Oh! C'est pas la plus proche? Non, c'est Vallée-du-Parc, je pense. C'est ça? François! Mais j'ai fait une recherche station de ski Mauricie. Ah ouais? C'est ce que ça me... mais Mont-Carmel, c'est centre du Québec, c'est l'autre côté. Non. Non. Mont-Carmel, c'est à Mont-Carmel. Dernières précisions qu'on m'apporte, oui, je crois. Oui, c'est ça. qui est situé, en fait, à côté de Saint-Louis-de-France. Je l'ai oublié. Non, mais c'est pas grave. François, je reviendrai la semaine prochaine. Je cherche là-dessus pour trouver des informations d'ici la fin de la chronique. Ouais. Sur Mont-Carmel. OK. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est ton devoir. Ben, ce que c'est. Combien qu'il y a de pistes, combien ça coûte? Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a 13 pistes. Et puis, ça coûte pas excessivement cher. Moi, étant résident de Saint-Maurice, j'avais... J'ai déjà été à quelques reprises. OK. Même la nuit pour glisser en snowresseur. Mais c'est très dangereux. Vandalisme. Ben non, mais en fait, on brise à rien. Là. Mais t'as le droit? Ben non. Non, c'est ça. Vandalisme. OK, bon, ben en tout cas, je vais parler des deux que j'ai, là. J'ai Vallée du Parc, okay. Saint-Mathieu-les-Cantons. Fait que tu finiras ma chronique après, OK? Saint-Mathieu, c'est encore ouvert, oui? Ben, j'avais des informations, ça me semblait ouvert. Non, merveilleux, je t'écoute. Le site était comme en reconstruction. Donc, on va y aller avec Saint-Mathieu-les-Cantons. D'accord. La planche à neige, ski alpin, glissade sur tube. Il paraît que les glissades sur tube sont vraiment longues et c'est les meilleures au Québec ou je sais pas trop. Meilleurs tubes. C'est quoi un tube? C'est comme pas agréable dans les écouteurs, ça, ce matin. Ah, mais je vais être drôle. Non, c'est non, non, ça réussit. Émilie. C'est situé à environ 35 minutes de Trois-Rivières. C'est environ 30$. Comme je disais, le site n'était pas fonctionnel, mais ça nous référait au québecvacances.com/saint-mathieu-les-canton. Il y avait aussi un numéro de téléphone, 819-539-1121, pour plus d'informations. Ce ne sont que des candidatons. Oui. Canton. Canton. Je l'avais compris, celle-là. OK. Je suis forte ce matin. Sinon, la Vallée du Parc, c'est 19 pistes de ski familial, intermédiaire et experte. 168 mètres de dénivellation, donc ça descend quand même assez bien. Il y a deux parcs à neige, deux sous-bois. C'est situé à quoi, 30 minutes de l'université. C'est 27$ tarif étudiant ou 32$ tarif adulte. www.valleduparc.com pour plus d'informations. Puis sinon, si vous n'avez pas le temps de vous rendre quelque part faire du plein air, mettez vos bottes puis essayez de traverser le parking. L'épaisseur de neige qu'il y a là-dedans, là, je viens de faire ma journée. Là. Ouais, c'est assez d'exercice pour moi, en tout cas. Faites juste passer sur le terrain, là, vous n'avez au genou, puis je pense que c'est assez d'exercice pour aujourd'hui. Là. Portez des gros sacs sur vos souliers, si vous n'avez pas de bottes même encore. Ah, tu veux dire monter des sacs jusqu'au bout? Oui, c'est ça. Ah, mais ben c'est bon, avec c'est des fun. Élastiques. Oui, oui. Ah, c'est ça, la technique, c'est les élastiques. Ah, mais... Moi, j'avais plus, je tenais mes sacs. Quand il faisait de la grosse pluie, là, puis j'avais pas mes bonnes bottes, je mettais des sacs de plastique dans mes souliers. Je mettais comme un sac de plastique sur mon bas, puis là, quand j'insérais mon pied à mon soulier, j'avais un sac de plastique, fait que mon pied devenait pas tout tremble. J'avoue. Ou encore, mets ton sac de plastique directement sur ton pied dans ton bas, comme ça, t'as l'impression de marcher sur des sacs de plastique, c'est toujours le fun. Ah, non, pas sûr. OK. Donc, qu'est-ce que ça donne, Mont Carmel? Mont Carmel, en fait, va ouvrir ses portes le 18 décembre prochain. Ah, c'est bientôt, ça? Oui, tout à fait. Et puis, en fait, là, on peut voir qu'il est tombé quelques centimètres. Je ne précise pas non plus exactement combien dans les 24 dernières heures. Et puis, non, ils n'ont plus 13 pistes, mais ils ont bien, en fait, 11 pistes. 11 pistes? Ouais. Ouais. Et puis, c'est pas super gros comme centre de ski, en fait. Puis là aussi, il y a des glissades sur tube qui sont fort populaires. Okay. Donc, mais mettons qu'il y a quelqu'un qui a le goût de faire 2-3 descentes puis qui a pas le goût de payer trop cher pour aller trop loin, ça peut être le fun. Rendez-vous quand même à Vallée du Parc. Mais, par exemple, un point qui est fort intéressant, c'est vraiment le snowpark. Là, okay. Vraiment, les jumps, là, ce truc-là, c'est vraiment la place. Ça surpasse de loin Vallée du Parc. OK, c'est bon. Mais c'est vraiment la spécialité. Il n'y a pas non plus de chairlift. C'est vraiment des... ben, il y en a, mais c'est des petits bars. Que tu tires. Ouais. Tu tiens après, oui. Ben, que tu mets derrière. OK. Ouais. Parfait. Bon, ben merci, François. Ça fait plaisir. Merci, Émilie. De rien. On te retrouve la semaine prochaine. On va parler de comment choisir sa raquette. C'est pas de raquette, ouais. Je pense que si on veut en avoir en cadeau, on peut peut-être un peu plus cibler ce qu'on veut. Mm-hmm. Sinon, si on veut s'en acheter à soi-même, ben... On... Moins besoin des conseillers des magasins pour s'en acheter. Parfait. Ben on se retrouve donc la semaine prochaine pour ta chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Oui. Puis la semaine prochaine, ça va être votre dernière chronique pour 2010? Oui. Donc, ça va être triste. On pleure un petit peu. Ouais. Okay. Je vais apporter une boîte de Kleenex pour tout le monde. OK. Amène du rhum. OK. Du rhum. Ça va se mélanger à merveille. Merci encore. Donc, on écoute les frères Goyette avec la balle dans mon camp, suivi de Martin Léon avec les deux hérons. On veut faire plein air. Des gars de bois. Puis des oiseaux. Ça va bien ensemble? Un gun sur la tempe, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur retraite, leur remet mon maigre butin, une mince pile de vin.

de conclure ainsi nos compères. Il disparut avec ses lois, son or et sa misère. Viens mon frère, le dossier est clos. Allons boire à même le soleil et profiter d'un cléo. Ensemble. Martin Léon et la pièce Les Deux Hérons de son plus récent album Les Atomes. En fait, il y a une pièce sur le palmarès de C'est Fou en ce moment, un palmarès francophone, qui sont diffusés en fait les palmarès les jeudis entre 14h et 17h. Donc soyez donc à l'écoute, voir. Et l'animation est, ma foi, sublime. Ben, écoutez plus pour la musique. Mettons, petit conseil comme ça. Hey, mais je t'écoute souvent le jeudi. Ouais, ouais. Désolé, alors. Non, c'était pas. Écoute, au pire, je peux changer de poste. C'est ça, ouais, ouais, mais on le conseille pas ça non plus. Là. On vous conseille de rester à l'écoute et de supporter. T'sais. Ben oh, non, ouais. C'est des blagues, là, je niaise. Bon. C'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Une autre souffrance de terminer. Est-ce que je peux arrêter de rabaisser l'émission? Ben oui. Ça sera le fun. Non, une très bonne émission aujourd'hui. Je trouve qu'on s'est diverti. On vous a diverti, espérons-le. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'on a demain à l'émission, François? Demain, c'est une bonne question, mon ami. Ouais. J'aime ça poser des questions honnêtes. Attends un petit peu. T'as comme 10 secondes. On a une chronique, c'est un fait, et on a Kiwan demain. C'est vrai, c'est vrai. On reçoit aussi Vincent Gauthier qui va nous parler de sport. Oh, parfait. Sport, cavale, fait, ça va être parfait. Musique. C'est demain à 7h. Maestro. Maestro, on se quitte les nouvelles. Allez pelleter un peu, là. Ouais, allez pelleter. Sortez balai, on vous l'a dit. Achetez-vous un nouveau balai, au pire. Oh, ouais. À demain. Bonne journée. Sur les ondes de C'est Fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.